Cours numéro 36. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir ba'd al-abwab. هذه الأبواب في ماذا؟ عند من؟ نعم، تحذير من الشيخ رحمه الله عن بعض الألفاظ الشركية، كقول بعض الناس ما شاء الله وشئت، أو le fait d'insulter le temps، أو le fait de dire قاضي القضاء، أو ملك الأملاك. Tous ces alphas, fiha ma fiha, min adam al-adab ma'allahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que al-mu'allif rahimahullah, il a cité ces chapitres pour mettre en garde contre هذا الشرك. Et taqaddam ma'ana anna la base, c'est que c'est du shirk asghar. Kadhalik, il a cité comme bab, et c'est le dernier qu'on a lu ensemble, احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك فما مناسبة هذا الباب أو ذكر هذا الباب هنا تفضل هذا الباب هو دواء لمن وقع في الشرك في شرك التسمية شيخ الإسلام il a cité ce chapitre avec ce hadith hadith أبي شريح رضي الله عنه pour démontrer un endroit se corriger. Ça peut arriver un nawahad ta'awud, il s'est habitué à dire un mot ou une phrase, et en fait, cette phrase a un nom de shirk, ou un prénom qui contredit le tawhid, comme ta'awud de ghayrillah, ou une kunya, comme dans le hadith d'Abi Shuraih, radiyallahu anhu. Le mohim, il faut se corriger. لأن صاري لكن من وقع بهذا فيسكوريج إدلس ما يخالف الكتاب والسنة أبواب نافعة مختصرات très simple لكن فيها فوائد عظيمة واليوم نقرأ الباب الذي بعده من يريد يقرأ تفضل باب اليوم قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول من هزل أي من استهزأ الهزل هو الاستهزاء أي سموكي هذا الدين دين الإسلام il est fondé sur des قواعد مهمة ومن أهمها الإيمان بالله وبكتبه وبرسله فمن استهزأ celui qui se moque d'Allah سبحانه وتعالى ou du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une chose qui fait partie de ce din une ibada ou un comportement une sunna هذا il a contredit son iman لماذا لأن ما من مؤمن n'importe quel مؤمن مهما بلغت أو بلغ عن علمه وإيمانه même s'il n'a pas un niveau في العلم et il est ضعيف في les péchés لكن il aime Allah subhanahu wa ta'ala, même le mu'min. Il respecte le din Allah et il azzim. Et tellement que certains, à cause de leur ignorance, ils azzim certaines choses, ils exagèrent. C'est pour ça que certains musulmans, tellement qu'ils exagèrent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'ils dépassent les limites. Et ils lui demandent, alors que ce n'est pas permis. Ça reste un être humain, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, l'adoration, c'est pour Allah. Hada, c'est pour vous montrer un mu'min mu'min et, fil haqiqa, yu'azzim din Allah, il aime din Allah. Fahada l'istihza, le fait de se moquer, c'est un manque de respect envers le din. Wala yahsul hada illa min mujrim kafir. Lianna man ahabba shay'an wa'azzamahu, fa'abadan il va se moquer. Ou insulter, ou diminuer cette chose-là. C'est pour ça que l'insan, il ne se moque pas de ses parents, il ne se moque pas de ses enfants. Il les aime, il a arrivé. Il va se moquer de Dieu. Wa'iyadam billah, à notre époque, ba'adhum, c'est devenu leur métier, leur travail. Ils se moquent. Ils font des sketchs et ils font de l'humour, comme ils prétendent, et ils font rire, en se moquant de Dieu, Allah. Ou de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ou de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou de certaines adorations. Hada la shak annahu la yahsul min mu'min. Abadan. Al-mu'min, il respecte din Allah. Et se moquer, c'est un manque de respect. Fali hada, Cheikh al-Islam, il a cité hada al-bab huna. Lianna se moquer, al-istihza'u, al-hazlu. Ça contredit al-tawhid. Qala, al-allama Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أو قبل هذا قال رحمه الله بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفر مناف للتوحيد ce chapitre c'est un chapitre et on en a étudié beaucoup ensemble dans ce livre c'est pour démontrer cette chose elle annule le tawhid complètement ay al istihza comme le shirk comme le dhabh li ghayrillah comme beaucoup de anwa' qu'on a vu Cheikh l'islam on a déjà cité dans ce livre il a cité des choses pour expliquer le tawhid pour détailler le tawhid pour montrer des choses qui annulent le tawhid ou qui diminuent le tawhid c'est ça qui est le tawhid et هذا الباب c'est pour démontrer à l'istihza se moquer ça annule le tawhid. Wa taqaddamat ma'ana hadi al-mas'ala fi nawaqid al-islam. Cheikh al-islam rahimahullah il a cité كذلك fi nawaqid al-islam parmi les annulatifs de l'islam al-istihza bid-din aw bi-shay' min ad-din. Se moquer de la religion ou de chose qui fait partie de la religion ou d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-istihza قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح se moquer ça peut être se moquer clairement ka qawl avec un qawl et on va lire ensemble باذن الله قصة هذا المنافق qui se moque وقد يكون بالفعل se moquer clairement de din ça c'est l'istihza ou al-sarih On a un dalil avec le athar de Ibn Umar radiyallahu anhu. كذلك il y a un autre nom, c'est l'istihza al-ghayr al-sarih. C'est pas clair avec une parole il a akhri lakin al-ulama yaqulun il est ghayr al-sarih. مثلا avec ishara avec un clin d'œil. بعضهم يسموك عيادا بالله. وهذا كقول الله عز وجل واذا مروا بهم يتغامزون. Se faire des clins d'œil, tirer la langue, et le but c'est de se moquer, yadam billah. Enfin, dans les deux cas, si c'est se moquer du din ou une chose qui fait partie du din, enfin, ça fait sortir de l'islam, yadam billah. Comme il y a des gens qui sont en train de se faire. Et, حتى ils ne se moquent pas, mais ils écoutent des gens qui se moquent. Et c'est très très grave. Okay, le musulman il écoute du kufr. Et ça le fait rire. C'est un mu'min, il assiste peut-être à un sketch ou il écoute هذا المستهزي المجرم. هذا لا ينبغي. Celui qui aime vraiment Allah, il doit détester pour Allah كذلك. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala et il déteste ceux qui se moquent et ceux qui détestent Allah عز وجل. فلا يحضر. Il les écoute pas. يبغضهم في الله. S'il peut les conseiller, leur montrer la gravité, il les conseille. Et s'ils écoutent pas, ils reviennent pas. فيبغضهم في الله عز وجل. Le واحد, il se moquerait de nos parents ou de tes enfants. Est-ce qu'un de nous, il va assister? مثلا واحد il fait un sketch et il se moque de, des parents d'une personne ou de ses enfants. Est-ce que واحد il va assister? أبداً. لماذا لأنه il aime ses parents. كيف il va rire alors qu'on se moque de ses parents? كيف البعض ils font des sketch عياذا بالله, il se moque du prophète Moussa عليه الصلاة والسلام, il se moque du prophète Isa, il se moque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, بعضهم il se moque du Coran, بعضهم il se moque de la sunna. Et tu trouves بعض المسلمين الغافلين, ils assistent et ça les fait rire. Ah, là, ça montre que le cœur il est malade, il est gravement malade. أما الحكم فتقدم معنا أنه سأنل الشرك, سأنل أقصد التوحيد. والخلاصة ذكرها الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد, قال الخلاصة أن الاستهزاء إذا كان بالله تلبخمك أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول أو القرآن فإن هذا كفر. Si c'est, il se moque de la religion ou du Coran ou d'un prophète ou de Allah Azza wa Jal ou d'une ibadah, il se moque de la salat, il se moque du hajj, فهذا لا شك أنه سيدي كفر أكبر صفي سقطير دي الإسلام. دوزيم قال وإن كان الاستهزاء غير ذلك فينظر إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهذا كفر أكبر. سأسنى الضابط طيب. أما سي سموك دون شوز لكن ست شوز في الحقيقة سعوبيا سموك دو لا غوليجيون, هذا سيدي كفر. مثلا يسموك دان فخير لأنه إلا بليك للسنة. Il se moque pas ouais, du frère là, il se moque parce qu'il applique la sunna. La preuve c'est que si ce frère il applique plus la sunna, il se moque pas de lui. هذا يدم بالله c'est du kufr. لماذا لأنه يسموك de دين الله. قال وإن كان غير ذلك فإنه يكون حراما ولا يكون كفرا أكبر. أما si il se moque du frère, pas parce qu'il applique la sunna, pas parce qu'il laisse pousser sa barbe et qu'il porte le qamis et qu'il fait la salat et qu'il va au masjid, là, il se moque de lui maintenant à cause de son poids, ou à cause de sa couleur de peau, ou à cause de sa taille, ou à cause de sa façon de parler, ben, ça c'est pas du kufr. Il ne s'est pas moqué du din. Lakin c'est haram. Et là, يجوز المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. On n'a pas le droit de se moquer d'un frère ou d'une sœur. Là, يجوز, un mu'min, il a une hurma عند الله سبحانه وتعالى. Son sang, il est sacré, son honneur, il est sacré. فلا ينبغي de se moquer. لكن c'est pas du kufr, et ça reste haram. فعلى هذا التفصيل. أما s'il se moque d'un endroit ou d'une personne, لأن cette personne, مثلا, elle applique le dîn, il se moque parce qu'il fait la salat, parce qu'il il se frotte les dents avec le siwak, parce qu'il laisse pousser sa barbe, il a akhiré. Voilà. Iyadun billah, c'est du kufr. Limaala, lianahu, il se moque de din. Amma, s'il se moque, le premier cas, directement du Coran d'Allah, voilà. Voilà, min bab. Oh là, c'est wadih, amahu, c'est du kufr. Ala kulli hal, hadi le masala, le muhimma. Et on vient à une époque, بعض الناس تساهلوا في هذا. تساهلوا جدا. وبعضهم عياذا بالله يتخوف rien à faire pour passer leur temps comme avec le hadith qu'on va lire ensemble inshallah, ils passent leur temps se moquant des autres. بعضهم ils se moquent du din, بعضهم ils se moquent de as-sala, بعضهم ils se moquent de hudud Allah azza wa jal et les peines qui sont citées dans le Coran. ويظنون ان الامر هين alors que l'amr il est azim عند الله. لماذا؟ لأن الله c'est le خالق, c'est le créateur. Il a légiféré des règles, il a ordonné des choses. Il nous a interdit d'autres choses. Enfin, celui qui peut faire, il fait, celui qui ne peut pas. لعلّه il a une excuse عند الله. Lakin pourquoi se moquer? Se moquer, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne respecte pas, qu'on ne prend pas la chose sérieusement. Et celui qui a cette aqidah par rapport au dîn, là, je sais que c'est du kufr. Al-Din, ala kulli hal, on doit respecter. On doit respecter plus que tout. Summa, si on a des faiblesses, on essaye de faire des efforts. Si on a manqué des choses, on demande pardon. Vous avez vu la différence. Ça montre khubth fil qalb. Tu peux trouver un mu'min, maintenant il a des faiblesses. Mais il ne se moque pas. L'imad al-Yannaw il-Lam, din. Et il respecte là, il a des faiblesses. Peut-être qu'il a un entourage qui ne l'aide pas, il a des faiblesses, il a akhri al-muhim. Amma wahad, il est fils salam, wa afiya, wa lillahi l'hamd. Allah, il lui a donné, il l'a créé. Et il trouve en échange, ماذا, de se moquer. Hada, il n'y a aucun doute que c'est du kufr. Envers un être humain, c'est grave. Mathalan, wahad, son voisin, ou son patron, ou son père, il lui fait du bien, ikramun wa ma'ruf, et il lui donne et il l'aide. En échange, il se moque. Est-ce qu'un aqil va accepter hada? Abda. Wallah, même kafir, mujrim, probablement il n'acceptera pas. Il dira hada, il ne connaît pas le khayr. Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan. Fama baluk avoir ce comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. وشيخ الإسلام إلى ست الحديث نقرأ قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية نزلت ce verset a été révélé au prophète صلى الله عليه وسلم par rapport à cette histoire. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أي إلى Al-Haqiqa, chacun il a rapporté Al-Hadith, Rubama, avec des chaînes de transmission différentes, et Cheikh al-Islam, il a cité, ou il a rapporté plutôt celui qui a cité Had al-Hadith en regroupant toutes ces chaînes de transmission et en résumant. Al-Muhim, Had al-Athar, il est Hassan, il est Thabit an Ibn Umar, radiallahu anhu. Et an Qatada ou an Zayd, peut-être que fihi dha'f, lakin an Ibn Umar, il est Thabit. وهكذا عن محمد بن كعب على كل حال لا شك أن القصة لثابتة c'est pour ça que الشيخ مقبل رحمه الله il l'a cité في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول فليبغ مهم هذا ce livre الشيخ مقبل رحمه الله il a rassemblé tout ce qui est صحيح في سبب النزول c'est pour ça qu'il l'a appelé الصحيح المسند من أسباب النزول أسباب النزول c'est pourquoi, oh Mazalan, si un verset, il y a une raison pourquoi il est descendu, il a été révélé, et si la raison elle est authentique, ثابتان ما صحيح ما حسن, فالشيخ مقبل il a cité dans ce livre. Mazalan, ce verset min surat al-Tawba, il y a un sebeb nuzul. La raison, c'est cette histoire, avec cet homme qui s'est moqué. Vu qu'il est sahih, Cheikh مقبل il a cité. Ahyanan, il y a des asbab, ils ne sont pas sahih. Enfin, le livre de Cheikh مقبل, c'est une référence tayyiba. Quelques, une centaine de pages, et il a cité des asbab sahiha de surat al-Baqarah jusqu'à la fin. Pas dans tous les versets, bien sûr. Il y a des versets, on ne connaît pas sabab al-Nuzul, il y a des versets sabab al-Da'if, lakin ma tarajjaha indahu annahu il est thabit, fa il l'a cité dans ce livre. Qala, annahu qala rajulun fi ghazwati tabuk, ma ra'ina mitla qurra'ina ha'ula, arghaba butunan, wala akthaba al-sunan. الألسن سجمع لسان أي أنهم يموتون فتأملوا أنهم يسون في غزوة تبوك في الجهاد avec le prophète صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل اسمك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء القراء العلماء أي les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète عليه الصلاة والسلام أرغب بطونا أي il pense qu'à leur ventre قال ولا أكذب ألسنن كذلك يموت قال ولا أجبن عند اللقاء كذلك ils ont pas de courage c'est des peureux عياذ بالله مع أنه c'est du كذب لا شك c'est un mensonge le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons c'était أشجع الناس et c'était أصدق الناس et c'était أزهد الناس عن الدنيا et tous les efforts qu'ils ont fait ils sont في jihad ils sont dans cette bataille Tabuk هذا الرجل قال هذا الكلام عياذا بالله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه إلا أنتندو كذبت ولكنك منافق ف ça nous montre un na'im dal munkar. فلا ينبغي السكوت. Celui qui a la قدرة de défendre دين الله فيتكلم. Si واحد يمّن فيفضحه أنك تمّن في هذا. Bien sûr, si ça implique pas un mal plus grand, il a akhir. ولكنك منافق. Ça nous montre أن هذا الفعل se moquer, c'est du nifaq. Ça fait sortir de l'islam. فلهذا الصحابي رضي الله عنه حكم عليه مباشرة. Tu es un munafiq, tu es un hypocrite. لماذا؟ لأن un mu'min ne peut pas dire هذا. Est-ce qu'un mu'min peut accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur, de ne pas avoir de courage, de penser qu'à son ventre? عيادم بالله. لا يحصل هذا إلا من الكافرين المجرمين. ولكنك منافق. لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عوف رضي الله عنه. قال je vais informer le prophète صلى الله عليه وسلم de ce que tu as dit. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. عوف quand il s'est déplacé pour informer le Nabi صلى الله عليه وسلم, quand il est arrivé auprès du prophète عليه الصلاة والسلام, le verset il était déjà descendu. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Le verset est déjà descendu, fit fadh hadha ar-rajul. Qala fa wajada al-Qur'an qad sabaqahu. Ça c'est un exemple clair pour vous montrer sabab nuzul. Aïe, le livre que Cheikh Mourbil l'a écrit et d'autres imams avant lui. Sabab nuzul. Aïe, le verset il a été révélé limada parce que cet homme il s'est moqué, enfin Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé un verset sur le cas, le jugement de ceux qui se moquent. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Le verset est descendu مباشرة sur ce moqueur et كذلك ceux qui font comme lui إلى يوم القيامة. قال فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. Et ça, ça montre qu'un ahl al-batil, que ce soit le munafiqoun ou autre, c'est eux qui n'ont pas de shaja'a. Au lieu d'assumer ou se repentir, ils n'ont pas de shaja'a. Ils n'assument pas quand tu parles et كذلك لا يتوبون. لكن vu qu'il a eu peur et il était fidaf, il a voulu se rattraper en disant c'était que pour passer du temps. Pour passer du temps, ils se moquent. Les malades, ils étaient en voyage, la route elle est longue, grâce à leur époque. C'était à pied ou sur leur chameau, c'était assez long. Enfin, pour passer le temps, il n'a rien trouvé d'autre que de se moquer, yadam billah. قال نقطع به عناء الطريق أي تعب الطريق أي pour passer le temps لأن la route elle est difficile. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est accroché à la monture du prophète صلى الله عليه وسلم et citait ses excuses. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. أي on plaisantait. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il répétait le verset. Ça nous montre que même si c'est pas en étant sérieux, et là chaque celui qui se moque en général il n'est pas sérieux, même si c'est pour rire. Là, on ne rit pas avec din Allah. Si c'est pour rire, c'est du kufr. Il est sorti de l'islam en faisant de l'humour. S'il était sérieux, il est sorti de l'islam en étant sérieux. Ça ne change rien, être sérieux ou pas. Il est capable de se retenir. Il n'a pas perdu la raison. Mais celui qui a perdu la raison et qui se moque, il est excusé. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il a la raison, enfin, ce n'est pas une excuse. أما التوبة نعم إلى رف التوبة سلوكي في التوبة فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب bien sûr avec des احكام si c'est moqué il a insulté le prophète صلى الله عليه وسلم فبعض العلماء يقولون أنه الحاكم il exécute même s'il a fait التوبة لكن s'il a fait التوبة sincèrement فيوم القيامة بإذن الله عز وجل الله lui pardonne même s'il a été exécuté في الدنيا à cause de son fi'l très très grave insulté ou se moquer du prophète صلى الله عليه وسلم. قال ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas répondu, il l'a pas regardé. Il y en a le fait, il est très très grave. Se moquer de dîn Allah, des compagnons. Pourquoi ils sont partis à Uhud, au Ghazwat Tabouk plutôt? C'est pour défendre dîn Allah. Ils ont laissé leur famille, leur bien. Et comme min at'ab. Et tu trouves, هذا المنافق سب وطعن. كذلك autre chose, si le sahabi ne l'aurait pas entendu, est-ce qu'il aurait été voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Il est parti, لماذا? لأن الصحابي il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, là, celui qui a fait une erreur, il est tout. بينه وبين الله. فعلى الصحيح أن هذا الرجل, c'était un munafiq. العلماء اختلفوا. وبعض العلماء يقولون أنه c'était un مؤمن. وخرج من الإسلام كفر عيدا بالله. وبعض العلماء يقولون أنه c'était un munafiq. والذي يظهر أنه c'était un munafiq. والشيخ صالح للشيخ حفظه الله أفاد أن من الأدلة أن هذا الرجل c'est un munafiq, أن ce verset est descendu. Il est descendu, c'est un verset de sourate At-Tawbah. ومعلوم أن sourate At-Tawbah elle est في المنافقين. Beaucoup de versets c'est sur المنافقون. Et السياق il montre هذا. فلهذا الشيخ صالح il a démontré que c'est un munafiq. Et il a cité قول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. Vous avez remarqué que dans les versets qui précèdent celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala يفضح المنافقين ثم قال ولئن سألتهم إلى آخر. Ça montre في السياق أي le sujet de la sourate c'était sur les munafiqin. فالذي يظهر c'est que هذا الرجل faisait partie des munafiqun. وبعض العلماء يقولون أنه c'était un mu'min et il est sorti de l'islam. Et à la kulli hal, كما قال المؤلف في المسائل المسألة الثانية أظن قال نعم الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. هذا سؤال مهم. بعض العلماء يقول c'est un mu'min, بعض العلماء يقول c'est أصلا منافق. على كل حال حكم الآية التفسير الآية أنه يصعد de l'islam, que ce soit un mu'min أو c'est un munafiq, يصعد de l'islam. نعم قال شيخ ابن عثيمين أي سواء كان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان. أي نعم. فهذا قال الشيخ سعدي رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية. تسحق سيسمك بالله سبحانه وتعالى أو القرآن أو الرسول أو دين عبادة أو دين مسلم parce qu'il applique son دين, فهذا سأنول complètement الإيمان. ومخرج ومخرج من الدين لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله. ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بالشيء من هذه أشد من الكفر المجرد. هذا الذي ذكرناه أوديبيدو دار أن من أصول هذا الدين c'est de croire en Allah, son messager, les livres, إلى آخره, les six piliers de la foi. Et لا شك أن المؤمن يعظم هذه الأمور. يعظم أي il respecte et son respect, son amour. Ça l'empêche de insulter, se moquer l'akhirah. فلهذا celui qui insulte la religion, c'est plus un mu'min. Ou qui insulte Allah, celui qui se moque, c'est plus un mu'min de la religion ou d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال وهذه من هذه أشد من الكفر المجرد. الكفر المجرد c'est مثلا كافر من الكفار يكفر. Pourquoi مثلا il croit pas au messager, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres messagers, ils ne croient pas. C'est un kafir. هذا, celui qui se moque, c'est encore plus grave. لماذا? قال لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. مع أنه il ne croit pas, et كذلك il a empiré sa situation en se moquant. أما tu trouves بعض الكفار, ils ne se moquent pas. لا يؤمنون, et pour eux, ce dîn, ce n'est pas sahih, et ils font leur vie حتى يموتون. C'est des kafirs. Et tu trouves d'autres, ils se moquent, ils sont achad, l'imad, allez, annahum la yu'minun, et en même temps, yat'anun fi dinillah, azza wa jal. Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfali min al-nar. Falihada, ha'ula, al-munafiqun qui se moquent, leur jaza yawm al-qiyama, ils seront plus bas fond de l'enfer. Ça nous montre que les kafara, ils ne sont pas au même niveau. La preuve, c'est que le châtiment, ce n'est pas le même. Al-Kafirin, ils ont un châtiment plus douloureux. Ceux qui se moquent, Iyadam Billah, il n'y a aucun doute, leur cas, c'est un des plus graves. قال فإن الكفار نوعان معرضون ومعارضون فالمعارض المحارب لله ورسوله معرضون أي ceux qui se sont détournés ولا يؤمنون et ils font pas de mal directement aux mu'min à la religion حال بعض الكفار أو لست كفرا وبعضهم معارض لا يؤمن et il essaye de faire du mal, il essaye de mettre des doutes, il se moque, il insulte et il combat أكثر. فهؤلاء لا شك أنهم يصن leur cas est plus grave. قال فالمعارض المحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم القادح بالله وبدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم أغلظ كفرا وأعظم فسادا والهازل بشيء منها هذا النوع كأنه المنقل حرف من هذا النوع. على كل حال on fait attention à ce point. Et on répète surtout l'époque où on vit. Wardanas yatasahaloun. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des films, dans des séries, dans des sketchs. Estezaun wadih bidinillah. Le mu'min n'a pas le droit d'assister à hada. Aqal ma vi sa yunkir bi qalbi. Il déteste ha'oula fillah azzawajalla. Il fait dua contre eux. S'il se moque contre le prophète, contre le din, contre le mu'min, il fait dua contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala yakfil muslimin sharrahum wa yantaqim minhum. On fait attention de ne pas ouvrir هذا الباب et pas être fi ghafla. بعضهم من المؤمنين à cause de l'ghafla ربما il a un ami. عياذا بالله un ami. Un ami c'est une personne avec qui tu as un lien de l'amitié. Et si c'est un ami en général, il y a de la mahabba et tu vas tenir à lui, tu vas le respecter. Et cet ami se moque de din Allah. ولا يحب دين الله. Et peut-être qu'en face de lui, il lui fait des blagues, entre guillemets, et il se moque de son din et de son messager. Et ça reste son ami. Là, c'est un dhaf shadid. Là, ça montre khalaloun fil qalb. On fait attention. Le mu'min, wallah, alhamd, il ne se moque pas. Et on fait attention de ne pas fréquenter. Là, ils sont nombreux à notre époque. Là, c'est un bab mohim. Et on répète, Cheikh Al-Islam, il a cité pour démontrer le fait de se moquer de la religion ou d'une chose qui fait partie de la religion, ça annule complètement la foi. ثم قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب ça ressemble au abwab précédent, pas le chapitre sur al-istihza, là les abwab sur al-alfad et certaines paroles qui contredisent al-tawhid ou qui affaiblissent al-iman al-tawhid. Wa min hadhihi al-aqwal wa taqaddamat ma'ana qawl fulan anna cette chose c'est moi qui l'a faite ou c'est grâce à moi. Wa yansa al-mun'im. Ce chapitre c'est sur cette mas'ala wa fil haqiqa taqaddamat ma'ana. Qala العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد أي أن الإنسان qui prétend أن cette chose ça peut être la bonne santé, ça peut être de l'argent, ça peut être il a trouvé une place, ça peut être مهم une ni'ma min al-ni'am, et l'insan il pense que c'est grâce à lui. La yaqulanna hadha li, c'est moi qui a fait. Et il ne cite pas al-mun'im. Fait la haqiqa, qui c'est qui a créé cette chose? Si c'est la bonne santé, si c'est de l'argent, si c'est un enfant, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est créé, c'est Allah qui a tout créé subhanahu. Qui c'est qui a qadr, qui a décrété cet être humain, il allait avoir cet argent ou cet emploi, ou il a trouvé telle chose, il a trouvé la solution à tel problème. Qui c'est qui a qadr hada? C'est Allah. Donc on doit dire, Masha Allah, la quwwata illa billah. Et on doit dire, Alhamdulillah, wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Et si wahed, c'est un sabab, quelqu'un a fait des causes, et on le cite après avoir cité Allah, on dit thumma fulan fala bas kama taqaddam. Amma iyadan billah, oublier al-mun'im, ne pas citer Allah azza wa jal, hada c'est min shirk al-alfad, c'est du shirk asghar iyadan billah. Qala mujahid, hada bi'amali wa anna mahququn bih. Mujahid rahimahullah min al-mufassirin, parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas, il a expliqué ce verset en disant hada bi'amali wa ana mahququn bih. Aïe, il a cité un exemple. En al-Ba'd, ils disent hada bi'amali, aïe, ça c'est moi qui l'a fait. Ba'dhom, ils disent c'est avec la sueur de mon front. Mathalan, cette maison, cette voiture, et il a acheté telle chose. Thumma, au lieu de dire alhamdulillah, tout ça c'est bi fadlillah. Tout ça c'est min ni'amillahi azza wa jal alayya. Et yashkurullah wa yahmad, là, ba'dhom, ils disent c'est la sueur de mon front. Là, c'est moi. هذا c'est grave. هذا ça montre un problème في التوحيد. قال وقال ابن عباس يريد من عندي أي c'est grâce à moi. وقوله قال إنما أتيته على علم عندي قال قتاد على علم مني بوجوه المكاسب أي c'est mon expérience. C'est mon expérience, c'est mon savoir-faire. حال كثير من الكفار ومن تأثر بالكفار. Hatta بعض المسلمين, à force de fréquenter Al-Kawara, ou à cause de l'ignorance, et ils ne maîtrisent pas ce sujet de Tawhid, Rubama, ils ont pris l'habitude de dire hala. Peut-être qu'ils sont dans une entreprise et ils ont réussi à faire quelque chose, au lieu de dire Alhamdulillah. Là, awalan, ça ouvre une porte d'orgueil. Al-insan, iyadan billah, il fait rentrer l'ujb. Il se vante, il a rire, et ça, c'est pas mine. Akhlaq as-salihin, ça ne fait pas partie des bons comportements. Et kadhalik, c'est un sou-adab ma'Allah. C'est Allah qui a créé cette chose. Et c'est Allah qui a créé ce insan. Cet homme, l'an, ou cette femme, qui prétend cette chose, aslan, c'est Allah qui les a créés. Alors, on s'habitue d'aïman, idhafatu an-ni'am ilallah. Mais l'insan, il est vaïf. Peut-être qu'une maladie, et on est cloué au lit pendant des semaines. Une maladie, peut-être tu ne sors pas de chez toi pendant une, deux, trois semaines. Il arrive à faire des choses et il prétend que c'est son intelligence, son savoir-faire, son expérience. On répète, c'est un mauvais comportement, ça fait du mal à l'iman. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. Tous ces أقوال se ressemblent. كما قال شيخ الفوزان حفظه الله. قال حفظه الله. قال العلماء هذه الأقوال لا تنافي بينها لأن الآيتين تشملان كل هذه الأقوال. Tous ces أقوال, que ce soit Qawl ibn Abbas, Qawl Mujahid, Qawl Qatada, c'est des aqwal sahiha. Fil Haqiqa, c'est comme des exemples. Chacun de ces imams, il a cité un exemple et ça ne se contredit pas. Wahada kathiran fi tafsir. Ça arrive souvent dans le tafsir. Tu as un verset quand tu lis, matalan fi tafsir ibn Kathir, ou fi tafsir ibn Jarir, alayhim rahmatullah, il cite aqwal al-a'imma. قال قتادة قال زيد بن أسلم قال علي بن أبي طلحة قال ابن عباس قال فلان قال فلان أحيانا tu as plusieurs أقوال et ça se contredit pas. Chacun il explique le verset avec une partie de son sens ou avec un exemple. ففي هذا الحال تستفيد من الأقوال كلها. أحيانا لا, ابن عباس il a un قول رضي الله عنه et مجاهد il a un autre قول ou ابن مسعود il a un autre قول et les deux قولs tu peux pas les rassembler. Maintenant, هذا il dit يجوز, هذا il dit لا يجوز. On se bat dans son verset. Là, chacun des deux il a raison. في هذا الحال الإنسان سيل القدرة يرجح. Ou il revient à أهل العلم. أما هنا فهذه الأقوال طيبة. Ça nous montre le sens de ce verset. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذه القصة مشهورة والحديث إليه معروف إلى في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم il a raconté l'histoire de trois personnes, trois hommes à l'époque de Bani Israël. وهؤلاء كما سيأتي ils étaient في ضيق في شدة فواحد منهم أبرص والبرص c'est une maladie. Et c'est, vous avez déjà vu, la peau elle change de couleur, elle devient blanche. Et tu trouves بعضهم sur leurs mains ou sur leur cou ou leur visage, ils ont des taches blanches. C'est ça le bors. C'est une maladie. Et le manzal, il n'est pas taïb, il n'est pas djemil. C'est une maladie de la peau. Enfin, واحد منهم, il avait cette maladie. والآخر أقرع. Il avait un problème, il n'avait plus de cheveux. والآخر والآخر أعمى. Le dernier, il a perdu la vue. Enfin, les haqiqa, ils étaient fichida. Et vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala أنعم عليهم وأعطاهم من فضله et deux parmi ces trois un ولله الحمد on va lire ensemble qu'il a reconnu une ni'ma il a akhiré et les deux autres ils ont pas ils ont oublié واحد il a dit c'est grâce à moi l'autre il a dit c'est grâce à كذا c'est pour ça que شيخ الإسلام il a cité هذا الحديث فنقرأ قال فأراد الله أن يبتليهم et ça nous montre أن الإنسان il a été créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouvera. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve l'ibad. حتى يتميز الصادق من الكاذب. Et c'est pour ça qu'Allah, il a créé le jannah wa nar. Et après cette épreuve, et bien, الحقيقة, cette épreuve, c'est notre séjour fait dunya, sur cette terre. C'est une longue épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve avec la maladie, avec ahyanan la faim, ahyanan avec des richesses, ahyanan avec de l'argent, ahyanan entre nous. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Peut-être ta femme c'est une fitna pour toi, toi t'es une fitna pour elle, tes enfants c'est une fitna, toi t'es une fitna pour eux. وَهَكَذَا. الدنيا c'est دار الفتن والمحن. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هؤلاء. Il a voulu éprouver هؤلاء. فبعث إليهم ملكا. Il a envoyé un ange. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. Cet ange, il a demandé à cet homme qu'est-ce que tu désires. قال une peau jamila avec une couleur حسنة. أي que cette maladie disparaisse. البرص. قال وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا أو قبل ذلك نعم. قال فمسحه فذهب عنه قذره. فcet ange il a essuyé مسح عليه أو مسحه. فcette maladie elle a disparu. وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. Il a retrouvé une belle peau et une belle couleur. قال فأي المال أحب إليك. أي qu'est-ce que tu désires comme bien. فضل الله. Celui qui est reconnaissant ففضل الله واسع. Celui qui n'est pas reconnaissant, il se fait du mal qu'à lui. Ah, cet ange, en plus de cela, il a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu désires comme bien? C'est quoi que tu aimes? Faqala, al-ibl, les chameaux. Ou qala al-baqar, shakka ishaq. C'est un doute du rapporteur. Wa sayati ma'ana, le deuxième, il a demandé al-baqar, fa huna c'est al-sawab, c'est al-ibl. المهم قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها ناقة عشراء أي حامل أي une chamelle et en plus elle était enceinte. فضل الله سبحانه وتعالى. هو il a demandé qu'une chamelle et en plus elle est enceinte, donc si quand elle accouchera il aura des autres chameaux. فقال بارك الله لك فيها. وهكذا on doit se comporter avec المال et avec النعم. On fait du'a. فهذا الملك c'est Allah سبحانه وتعالى qui l'a envoyé. Il a fait un du'a. بارك الله لك فيها. Et نحن هكذا on doit faire du'a بالبركة في أموالنا. Même si tu as peu, لأن البركة في المال فستستفيد منه. Tu vas en profiter. Et بإذن الله ça sera un bien pour toi. أما كم من الناس ils ont beaucoup de mal, il n'y a pas de baraka. يوم القيامة ça sera contre eux. Et peut-être que في الدنيا ça leur fera du mal. قال فأتى الأقرع. La deuxième personne, le deuxième homme. أي le chauve. فقال أي شيء أحب إليك. قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فنفس الشيء il a demandé à ne plus être chauve, à avoir des cheveux. Cet ange lui a essuyé la tête et il a eu des cheveux. فقال فأي المال أحب إليك, qu'est-ce que tu désires comme bien? قال البقر أو الإبل. À chaque semaine الراوي et à الصواب c'est l'إبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. Une vache, et cette vache elle était enceinte. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه رد الله إليه بصره. Le troisième, l'aveugle. Donc il a retrouvé la vue. بإذن الله عز وجل. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. هذا, vous avez remarqué qu'il a demandé moins que les autres. Le premier il a demandé une chamelle, le deuxième une vache et le troisième chaton. Une chèvre, une brebis. قال فأنتج هذان وولد هذا. نعم. فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. بركة. Le premier, vu que la chamelle est enceinte, à force avec le temps, il a eu واد من الإبل, un grand troupeau de chameaux. Le deuxième, un énorme troupeau de vaches. Et le troisième, un troupeau de moutons. فضل الله عز وجل. لكن تأملوا, et ça في الحقيقة c'est حال الناس, ce hadith c'est une référence في هذا, أي le comportement des gens par rapport au ni'am. قال ثم إنه أتى الأبرص, أي الملك, il est revenu, أي une durée après revoir le premier, al-abras. Al-abras, celui qui avait la maladie de peau. Fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskin qad inqata'at bi al-hibal fi safari fa la balagha li al-yawm illa billah thumma bik. Anzuru al-tawhid. Yani hadha al-malak il a pris l'apparence d'un homme, d'un miskin, et il a demandé à hadha al-abras annahu sa miskin, et il est en voyage, et ba'd Allah. Ça montre le tawhid. Et c'est Allah qui donne. Thumma bik. Et tu veux une cause. Si tu veux être une cause pour m'aider, قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سهري. Il lui a demandé, أي بالله, et celui qui t'a donné cette belle peau et qui t'a donné tout ce troupeau, enfin je te demande une chamelle ou un chameau pour pouvoir continuer mon voyage. Al-Haqiqa, qu'est-ce que ça va faire un chameau sur un troupeau? Khassatan, hadha ar-rajul, il était vidayq avant. Il se malade, al-Abras. Et Allah, il lui a donné, lakin, kathirun min al-nas, ils sont hakada. Zaloum jahoul. Hakada l'insan. L'insan l'a écrit, zalouman jahoula. Et il oublie l'injustice, et il oublie très vite le khayr. Illa, من رحم الله سبحانه وتعالى. قال الحقوق كثيرة, أي الأبرص, celui qui était malade, il a répondu الحقوق كثيرة, أي comme ils disent de nos jours, on a beaucoup de charges, on a beaucoup à payer, on a beaucoup de ça à donner. فقال له كأني أعرفك, أي l'homme, le مسكين, il a répondu, بعد, c'est un ange. قال كأني أعرفك, أي je te connais. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. Il lui a dit, je me rappelle de toi, tu étais malade, tu avais des problèmes de peau, tu n'avais pas d'argent et Allah t'a donné tout cela. On verra qu'est-ce qu'il va répondre, أي الأبرص, celui qui était malade. فقال إنما ورثته هذا المال كابرا عن كابر, et de père en fils. Tout ce que tu vois, tout ce troupeau, c'est mon père, mon grand-père qui m'ont laissé. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné, il n'avait rien. قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت دعاء الصالحين c'est très très grave هذا الملك il a fait الدعاء contre lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala si tu mens il te remet dans ta situation peut-être et malade et pauvre قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت la même chose avec الأقرع le chauve il a refusé de l'aider et cet homme il a fait dua contre lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala te remet dans ta situation et chauve et pauvre قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في سفري قاف لا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت حال المؤمنين الصالحين إذ أبلب الخير خاصة فضل الله عليهم le dernier l'aveugle quand cet ange qui a pris la parole d'un homme il lui a demandé de l'aide à l'aveugle qui était anciennement aveugle il a reconnu une ni'ma et c'est pour ça que Al-Mu'allif il a cité ce hadith pour démontrer que Al-Ba'd il reconnaît une ni'ma et Al-Ba'd yadam billah il ne reconnaît pas c'est grâce à moi comme a dit Al-Awwal et les deux premiers plutôt إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر c'est mes efforts, c'est les efforts de mes parents لا, c'est Allah subhanahu wa ta'ala عز وجل qui donne أما الأعمى فقال خذ ما شئت ودع ما شئت prends ce que tu veux délaisse ce que tu veux لماذا لأنه il n'a pas oublié le khayr et il n'a pas oublié d'où qu'il venait et ça c'est important pour nous ne pas oublier d'où tu viens si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné du ilm n'oublie pas quand tu étais ignorant Le fait de ne pas oublier, ça t'arham al-akhari. Tu vas avoir de la rahma envers les autres. Même si un frère, il ne sait pas, il a du mal, tu vas avoir de la rahma envers lui. Il y en a, t'es passé par là. Kadhalik, c'est aham, ça tashkur Allah azza wa jal. Tu vas dire alhamdulillah. Et hada shukr, il va te pousser à faire des efforts. Kam minan nas yatakhabbatun bi dhulumat al-jahl. Et anta, tu sais, et ça va te pousser à appliquer. Fashukr, c'est une ni'ma azima. Aïe, être reconnaissant. Envers Allah et envers l'ibad. كذلك. Si quelqu'un te fait un khayr, la tensa khayr. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. أي prends ce que tu veux. Je t'enlèverai rien. Prends ce que tu veux. لماذا لأنه il n'a pas oublié. On a cité l'exemple al-ilm كذلك. Celui qui était malade, il n'oublie pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guéri. Comme il en a, ils sont encore à l'hôpital de nos jours, ils ne peuvent plus sortir, Masaki. Et peut-être que tu as passé une épreuve difficile, tu as été guéri, n'oublie pas le khayr. Ça va te pousser à avoir de la rahma envers les malades. Et kadhalik, tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, tu vas faire des efforts. Les efforts que tu ne pouvais pas faire en étant malade, tu vas les faire maintenant que tu as la bonne santé. Les malades, il y en a beaucoup de gens, ils n'ont pas cette ni'ma. Wa hakada jami' an ni'am. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك أي الله وسخط على صاحبيك فالأنجي lui a dit garde ton argent j'ai besoin de rien c'est une épreuve فالله سبحانه وتعالى رضي عنك أي il est satisfait de toi وسخط على صاحبيك la cause c'est quoi كفر النعمة et ne pas reconnaître المنعم سبحانه وتعالى قال أخرجاه أي في الصحيحين قال الشيخ سعدي رحمه الله ما جاء في قول الله تعالى لئن ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته أي avec ses efforts avec son intelligence, avec sa clairvoyance, avec son expérience, celui qui prétend que le ni'am c'est grâce à lui et ses capacités, قال أو أنه مستحق لذلك لما يظن له نعم أو لما يظن له على الله من الحق فإن هذا مناف للتوحيد. هذا صفي بوكو دمال التوحيد. لماذا؟ لأن الموحد كتوحيد قوي يعلم أن الله سلوي كدن. فلماذا ست نعمة يبقى بخطنط كسلوي et il oublie celui qui lui a donné et qui lui a créé cette chose, que ce soit la bonne santé, que ce soit l'argent. C'est un problème في توحيد هذا العبد. قال لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته. كما ذكرنا أن المؤمن يغكون النعمة كسمين الله وكذلك يفدزفور pour employer, utiliser cette ni'ma fi ta'atillah. Si c'est la bonne santé, fa fi ta'atillah. Si c'est l'argent, fi ta'atillah. Sa famille, fi ta'atillah. Son nefs, fi ta'atillah. Aïe, dans l'obéissance d'Allah. قال, wa la yara lahu haqqan ala Allah. Wa innama al-haq kulluhu lillah. Sahih. Mais le ba'd, il prétend, si j'ai eu cette chose, c'est que je mérite. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, akramak. Tu n'étais rien, tu n'existais même pas. لا الحق لله سبحانه وتعالى فسكيف أكرمك tu dois être et on doit tous être reconnaissant et délaisser مثل هذا الكلام الفارغ. قال وأنه عبد محض من جميع الوجود فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب والله المستعان. Abouab Mouhima, la tawhid, ça éduque l'insan. Le meilleur moyen pour avoir un bon comportement, c'est le tawhid. C'est pour ça que souvent, quand on cite les bons comportements, il faut citer le tawhid. Celui qui a un tawhid, il aura un bon comportement. Il connaîtra haq Allah et il connaîtra haq l'ibad. Et il donnera chacun son haq. Amma, celui qui ne connaît pas le tawhid, même s'il a un bon comportement en apparence, c'est pour une maslaha. Pour un profit, pour profiter de quelque chose. S'il n'y a plus cette chose, tu trouves plus de bon comportement. Bardom, ils ont un bon comportement. Peut-être qu'il va te sourire, peut-être qu'il va te parler correctement. Une chose, il n'y a plus de maslaha. Obama, il t'accuse, il a appelé. Ammal mu'min là, il a un bon comportement, c'est l'illah. Il sait qu'Allah, il le voit, il l'entend. Même s'il y a quelque chose qui lui déplaît, fa yasbir. Et yadfa' billati hiya ahsan. Tout est lié au tawhid, à il khair. Et tout sur, il est sur le fait de délaisser هذا التوحيد العظيم. نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième dars, inshallah.